Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée dominicale dont voici les grands titres. Donner de la parole aux victimes des crises qui ont secoué le pays, allant des objectifs de la commission Vérité et Réconciliation, vous allez suivre les explications du président de cette commission. En province Kayanza, on parle d'une lutte acharnée contre la commercialisation et la consommation des boissons prohibées. Patrick Senghioum va nous en dire beaucoup au cours de ce journal. Et la chronique nutrition de ce dimanche est consacrée sur l'importance de la consommation de l'ail. Eric Ouimana sur la mise en onde. Au micro, c'est Vestine Boutoui. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, ce dimanche est le 25 juillet, la commémoration du 25e anniversaire de l'assassination de plus de 600 personnes à Bugendana en province Gitega. Notre correspondant Gérard Nibigira suit ces cérémonies et va nous donner les détails dans nos éditions ultérieures. La commission Vérité et Réconciliation rappelle que son rôle est un processus de justice transitionnelle. Rappel du président de cette commission, Pierre Claver Ndaïchalié, au moment où certains se demandent de la part de la justice. Dans les activités de la commission, Pierre Claver Ndaïchalié est clair que l'objectif de la dite commission est de donner de la parole aux victimes des crises qu'a connues le Burundi, ainsi que le renforcement de la cohabitation pacifique. Suivez-le, traduit en français par Arthur Kavabouchi. En termes techniques, ce processus est appelé justice transitionnelle, différente de la justice classique, mais une justice qui vient consoler les cœurs brisés. Si ces procès, on les porte devant la justice, on te dit que l'action publique est éteinte ou ce qu'on appelle la forclusion des délais. La justice transitionnelle vient accorder du temps à ceux qui ont été affectés, les victimes, de dire ce qui est arrivé dans leur famille. La première chose qui aide dans la justice transitionnelle est dite une vérité qui éclate et qui était cachée pendant 50 ans, 60 ans, 40 ans. La justice transitionnelle donne la parole à ceux qui venaient de passer 50 ans, 40 ans et plus sans avoir ce temps. La finalité pour le Burundi, c'est que la commission a été appelée Commission Vérité Réconciliation, mais il y en a qui ajoutent vérité, dialogue, justice, pardon. Mais le Burundi s'est focalisé sur la vérité et la réconciliation. Mais au milieu, ajouter le pardon pour ceux qui le peuvent. Réparation si l'État en sera capable. Ajouter également dialogue ou autres mécanismes menant vers la coexistence, la cohabitation pacifique. Le Conseil des ministres est tenu cette semaine à adopter projet de loi portant révision de la loi organique régissant la police nationale du Burundi et une structure appelée haute hiérarchie de la police nationale à l'image de l'état-major général de la force de défense nationale du Burundi est l'une des innovations apportées par ce projet. Suivez Prosper Nawami, secrétaire général de l'État. La police nationale du Burundi est actuellement régie par la loi organique numéro 1/03. Du 20 février 2017. Depuis la promulgation de cette loi, certaines omissions et erreurs ont été observées dans le corps du texte, ainsi que des confusions dans la dénomination de certains services ayant la même équivalence. De plus, certaines structures ne sont pas situées à la place convenable au regard de leur mission. Dans le souci de rendre la police nationale du Burundi plus opérationnelle et éviter certains chevauchements, il est nécessaire de corriger toutes ces imperfections. Ainsi, comme correction et innovation apportées par ce projet, il y a lieu de citer la suppression du commissariat général de la formation au profit d'un bureau technique chargé de la formation au niveau de l'inspection générale de la police nationale du Burundi. La substitution du commissariat central d'Interpol par le bureau central national d'Interpol afin de s'harmoniser aux pratiques de la région. L'introduction d'une structure appelée haute hiérarchie de la police nationale à l'image de l'état-major général de la force de défense nationale du Burundi. la création d'un service chargé des réfugiés au sein du commissariat central chargé des étrangers, la création d'un bureau informatique et d'un bureau aumônerie générale. Après échanges et débats, le projet a été adopté après avoir subi quelques retouches. Le même conseil a aussi adopté le projet de décret portant institutionnalisation d'un système national d'inventaire des gaz à effet de serre. Ce conseil a recommandé que le gouvernement ait une contrepartie des efforts fournis dans la protection de l'environnement. Encore une fois, suivez-les. Le gouvernement du Burundi a déjà élaboré et soumis au secrétariat de la Convention trois communications, dont la plus récente est celle de 2019. Dans le cadre de cette troisième communication, au niveau de l'inventaire des gaz à effet de serre, il était prévu la mise en place des procédures institutionnelles et légales pour améliorer le système d'inventaire existant. La mise en place des procédures institutionnelles et réglementaires pour améliorer le système d'inventaire existant à travers un décret qui institutionnalise un système national d'inventaire des gaz à effet de serre et qui détermine les rôles et les responsabilités des différents intervenants est une nécessité. Ainsi, le Burundi aura répondu à l'engagement des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qu'il a ratifié, pourra être éligible aux sources de financement disponibles pour mettre en œuvre cette convention, connaîtra le niveau de ses émissions de gaz à effet de serre et sera éligible aux technologies propres avec moins de pollution ou sans pollution. Après analyse, le projet a été adopté, moyennant entre autres recommandations, de faire en sorte que les efforts faits par le Burundi dans la protection de l'environnement et la contrepartie à travers l'obtention des financements par les pays les plus industrialisés qui sont les premiers à produire les gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h, passé de 4 minutes au studio de la radio Isanganiro. Continue ce journal. Une personne a été arrêtée par la police en collaboration avec l'administration ce dimanche matin. Il est accusé d'appartenir à un groupe de bandits qui a dévalisé un magasin à la 15e transversale de Maramza en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Selon l'administration locale et les habitants de Maramza, se lamentent et disent que le banditisme prend de l'ampleur dans cette localité. Simeo Butoi, administrateur de la commune Mutimbuzi, reconnaît ce fait, il y pointe 10 doigts sur les personnes en provenance d'autres provinces à la recherche de l'emploi à Mutimbuzi, Pescaitas Kavanyan. Un voleur attrapé par la police en collaboration avec l'administration ce dimanche matin n'est pas originaire de la localité selon les administratifs en zone Malanja de la commune Mutimbuzi. Il a été attrapé à Bujumbura mairie et ferait partie d'un groupe de bandits qui ont dévalisé un magasin d'habillement à la 15e transversale de Malanja. C'était dans la nuit de ce jeudi. Les habitants de la commune Mutimbuzi, surtout ceux de la zone Malanja, se lamentent et disent que le banditisme dans les ménages, dans les boutiques et même dans les étables des troupeaux prend de l'ampleur ces derniers jours. Il demande aux autorités de suivre de près la situation et de tout faire pour limiter les dégâts. L'administrateur de la commune Mutimbuzi reconnaît qu'il y a beaucoup de cas de vol en zone Malanja. Cela s'est remarqué il y a à peu près 2 mois, comme il le précise. Simeo Butoi indique que des vaches sont volées, quelquefois de Gihanga est conduite en commune Mutimbuzi et là il y parle de la complicité de certains bergers. Il précise également que des boutiques et maisons sont aussi pillées et les auteurs, selon l'administrateur de la commune Mutimbuzi, sont en majorité les gens qui viennent d'autres provinces et qui arrivent à Mutimbuzi à la recherche de l'emploi. Quand ils n'en trouvent pas, certains deviennent des bandits. Simeo Butoi, administrateur de la commune Mutimbuzi, appelle la population à la vigilance, à bien veiller sur leurs biens et dénoncer chaque fois les gens suspects. Spécialité Scavagnana en commune Mutimbuzi pour la radio Isanganiro. Merci, Space Caritas Kabanyana. Rendons-nous en province Kayanza où la commercialisation et la consommation des boissons prohibées ont été luttées de façon satisfaisante. Les données chiffrées fournies par la police en cette localité font état de 20 litres de ces boissons saisies ces 6 derniers mois contre entre 500 et 800 litres par mois ces dernières années. Le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Tshishahayi, appelle ceux qui prennent encore des stupéfiants à abandonner cette mauvaise pratique. Patrick Sanguiumva. Selon les informations fournies par la police en province Kayanza, pour que ce pas en ce qui est de la lutte contre les boissons prohibées soit franchi, c'est essentiellement le travail en synergie de la cadrilogie. Les comités mixtes de sécurité ont joué également un rôle très important dans la lutte contre les boissons prohibées car selon la police à Kayanza, les membres de ces comités dénoncent dans la communauté les fabricants de ces boissons. Et ces derniers mois, 20 litres de boissons prohibées dit Ikibarbe ont été saisis et déversés en province Kayanza comme le précise le commissaire de police en cette localité. C'est un moment où selon la même source, ces deux dernières années, l'on pouvait saisir en cette même localité entre 500 litres et 800 litres par mois de ces boissons prohibées. Au niveau de la police à Kayanza, l'on fait savoir pourtant qu'il y a encore à faire dans la lutte contre la commercialisation et la consommation du chanvre. Le commissaire de police à Kayanza indique pourtant que pas mal de stratégies à employer pour lutter énergétiquement contre le chanvre seront également bientôt mises en place par la quadrilogie. C'est un moment où, depuis le début de l'année en cours, la police à Kayanza a déjà saisi 104 bourses du chanvre et 5 kilos de cette même drogue. Au niveau de l'administration en province Kayanza, l'on apprécie positivement le pan qui a été déjà franchi en ce qui est de la lutte contre la commercialisation et la consommation des boissons prohibées en particulier et des drogues en général. Rémi Tshishahayi, gouverneur de la province Kayanza, appelle ceux qui prennent des stupéfiants d'en découdre avec cette pratique, étant donné, selon lui, que même le code pénal du Burundi prévoit des pénalités à celui qui commercialise ou consomme des stupéfiants. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La prévention contre l'irritation de l'estomac figure parmi les avantages de la consommation de l'ail. Selon Jean-Paul Ouineza, qui s'intéresse à la nutrition, ce condiment est toutefois défendu pour les femmes en règles menstruelles. Les détails de cette chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. L'ail est une plante qui prévient différentes maladies, selon le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza, qui explique que l'ail peut être consommé comme aliment, médicament, et une seule gousse par jour suffit pour se prévenir de différentes maladies. On peut consommer l'ail comme légumes, on peut consommer l'ail comme condiment, on peut consommer l'ail sous forme de médicaments comme ça. Lorsque vous êtes malade, il est préférable d'ingérer ce produit à la base d'ail pendant les repas pour prévenir l'irritation de l'estomac. S'il s'agit de consommer de l'ail maintes fois ou bien quelques fois, il faut prendre l'ail lors de repas afin qu'on puisse quand même éviter des irritations estomacales ainsi de suite. Comme le dosage de l'ail, comme conseil donné par beaucoup des experts, surtout l'OMS, recommande de consommer une gousse par jour. Ce chercheur explique également que les personnes qui sont dans leur cycle menstruel ne sont pas permis de consommer l'ail. Lors des règles mensuelles, là aussi, il faut consommer l'ail sous forme de légumes, sous forme de condiments, mais pas l'ail comme un produit thérapeutique. Au fait, quand vous voulez quand même vous soigner avec l'ail et que vous êtes dans les moments des règles mensuelles, c'est-à-dire pour les côtés des filles ou des femmes, là, il faut quand même s'abstenir à prendre l'ail. Aussi, des personnes qui souffrent des problèmes ou bien qui ont des problèmes et des pistaxis au niveau de l'OEL, l'écoulement du sang au niveau du nez, là, il faut aussi manger l'ail comme condiment, comme légumes, comme aliment seulement, mais pas comme l'usage thérapeutique. Jean-Paul Ouineza précise que l'ail ne peut pas être utilisé ou consommé quand on est sous traitement d'autres médicaments ou d'autres substances. L'ail peut donner des interactions avec d'autres substances, surtout lorsque vous êtes en train de prendre des substances anticoagulante, c'est-à-dire sous forme de plantes, sous forme de médicaments, produits médicamentés, là, surtout des produits qui peuvent être anti-agrégats plaquettaires, parce que l'ail aussi se trouve dans des éléments qui sont anti-agglégants plaquettaires. Si vous utilisez en même temps l'ail et ces médicaments ou bien ces produits anti-agglégants plaquettaires, là, il peut y avoir de l'interaction avec l'ail. Là, il faut les consommer ou bien les prendre avec la prudence. L'ail peut être utilisé sur la peau, c'est-à-dire l'ail frais, broyé, en tranches ou huile d'ail. Il est conseillé d'être prudent car l'ail peut provoquer des brûlures s'il est utilisé en grande quantité sur la peau. Merci Jean-Marie Mayonga et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mais avant de fermer l'édition, permettez-moi de vous rappeler un des principaux titres. Donner de la parole aux victimes des crises qui ont secoué le pays, un des objectifs de la Commission Vérité et Réconciliation. Vous avez entendu les explications du président de cette commission. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rick Wimana pour sa parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi.